Alter Ego Plus, niveau 1. Cahier d'activité. Achète livre. Dossier 0. Découverte. Les nombres. Activité 3. Exemple. Amsterdam, embarquement porte 15. 1. Chicago, embarquement porte 21. 2. Sydney, embarquement porte 68. 3. Lyon, embarquement porte 43. 4. Kyoto, embarquement porte 12. 5. Londres, embarquement porte 57. 6. Dubaï, embarquement porte 31.